Nous sommes le samedi 9 décembre 2017 et c'est l'heure, oui c'est l'heure cher tipeur, de votre revue de presse JV du samedi. Allez, générique! Hello les amis tipeurs, bienvenue dans votre édition du samedi. Cette édition est la vôtre, je vous le dis, nous sommes entre nous pour causer jeux vidéo, et ce, afin de débuter correctement ce week-end qui nous tend les bras. Alors que vous soyez au repos ou au boulot, la revue de presse JV ne vous lâche pas et reste à vos côtés, quoi qu'il arrive, pour vous accompagner dans les meilleurs comme les pires moments. Allez, on attaque avec les premières news! Je vous l'avais annoncé en exclusivité quasi mondiale, hein, je n'hésite pas à le dire, quasi mondiale, dans ce podcast avant tout le monde, ou presque, l'annonce de Mega Man 11, donc, hein, par Capcom, qui fête donc les 30 ans de celui qu'on appelle dans son pays natal Rockman. Et donc, on a appris un petit peu plus de nouveautés. On savait déjà que ça allait sortir en fin d'année 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Et Capcom a distillé de nouvelles informations via Game Informer, et donc on sait qu'il y aura 8 boss, 8 robots master dans Mega Man 11. Comme un bon Mega Man des familles, vous aurez la possibilité de combattre ces boss dans l'ordre de votre choix afin de leur subtiliser leurs armes. Donc tout le côté stratégique des Mega Man classiques est toujours là, pas de soucis. On apprend aussi que Yuji Oda, hein, un vétéran de chez Capcom, sera le réalisateur du jeu. Et c'est même lui qui a pitché un Mega Man 11 auprès de Capcom après de nombreuses et de nombreuses propositions. Rappelons que ces dernières années, Yuji Oda avait réalisé Resident Evil 0, mais aussi le Strider de 2014. Concernant le gameplay pur et dur, apparemment Capcom en ce moment se tâte, et comme vous le savez, quand on a envie de se tâter, faut pas se gêner. Capcom donc se tâte concernant la glissade, à savoir s'il faut le configurer sur un bouton ou pas, sans avoir besoin donc de s'accroupir. Donc tout ça, pour l'instant, étant pour parler, un menu circulaire aidera le joueur à changer d'arme. Donc ça, c'est une interface un peu plus moderne. Un menu circulaire que l'on fera apparaître avec le stick droit. Autre élément qui fera plaisir aux moins doués d'entre vous, et à moi aussi parce que j'ai toujours été très nul à Mega Man, hein, je dois vous l'avouer. Il y aura donc plusieurs niveaux de difficulté, ça on en avait parlé. Il y en aura 4, selon la difficulté que vous aurez sélectionnée. Le level design sera un tout petit peu altéré, c'est-à-dire que sur certains passages vraiment chauds, il y aura plus de plateformes, hein, sur laquelle se raccrocher, atterrir, si vous avez mis un niveau de difficulté facile. Donc ça, c'est quand même pas mal. Moi, je prône vraiment, et c'est ce qui manque à Cuphead, je trouve, vraiment, le fait de proposer plein de niveaux de difficulté pour que les puristes, cela joue puriste, mais que pour ceux qui sont un peu moins doués ou qui ont moins le temps, puissent en profiter aussi. Bref, ça, c'est encore un autre débat. On apprend aussi, hein, à travers Game Informer, qu'il y aura une nouvelle mécanique inédite, mais que Capcom n'a pas encore détaillée. Ce serait lié aux rouages, hein, qui sont placés sous la jauge de vie de ce cher Rockman. Écoutez, ça fait envie, même si, je vous l'ai déjà dit, visuellement, je suis un chouïa déçu, je préfère vraiment ce qui se fait du côté des indés en termes de rendu 2D. Voilà, je trouve que ça manque un peu de beaux pixels, de beaux pixel art. Tout ça est un peu lisse et fait un effet un peu plastique ou métallique. Enfin, je ne saurais comment l'expliquer en tout cas. C'est un peu trop simpliste pour moi, mais si le jeu suit, pourquoi pas. Et puis bon, de toute façon, il sort fin 2018. Bref, et ben voilà, vous voilà informés de quoi briller à nouveau à la machine à café. Figurez-vous que le Wall Street Journal a révélé deux statistiques qui, je pense, va vous intéresser. Sachez que Call of Duty World War II a réalisé un super carton. C'est un gros succès du niveau de Black Ops 3 avec 4,4 millions de jeux vendus aux USA. Par contre, Star Wars Battlefront 2, et c'est là que ça va, je pense, encore plus vous intéresser, surtout les tipeurs qui ont participé avec moi à la grande revue de presse JV, et ben donc Battlefront 2 déçoit beaucoup avec seulement 882 000 ventes donc sur ce premier mois de commercialisation, sachant que son prédécesseur en avait écoulé 2,1 millions, bon certes en incluant les bundles PlayStation 4. Donc, maintenant, que va-t-il se passer? Comme on en parlait dans la grande revue de presse JV, c'est vrai que l'avenir est incertain. Est-ce que le film va rebooster les ventes de Battlefront 2? Mais quoi qu'il arrive, je pense que toute cette polémique autour des microtransactions ont, et c'est dommage pour le studio, hein, parce qu'ils ont fait un super boulot, mais pour EA, ça me fait plaisir, voilà, qu'il y ait sanctions. Et donc, justement, en parlant de ces microtransactions, Dafranz dans jeuxvideo.com, enfin sur jeuxvideo.com plutôt, ce serait plus correct, nous dit qu'après l'incroyable soulèvement des joueurs face aux microtransactions, Electronic Arts avait pris la décision de les retirer temporairement. Bon, ok, c'était il y a un peu plus d'un mois et à ce moment-là, l'éditeur expliquait que, je cite, « l'achat des cristaux ferait son apparition à une date ultérieure ». Sauf qu'aujourd'hui, nous dit Dafranz, le discours n'est plus du tout à fait le même. On nous dit qu'une allocution tenue durant la NASCAD Event Store conférence par le CFO d'Electronic Arts laisse planer la possibilité d'une disparition définitive, vous m'avez bien entendu, définitive des microtransactions. Comme le rapporte le site Glixel, Blake Jorgensen a ainsi expliqué que ses équipes sont actuellement en train de réfléchir à la manière dont les cristaux allaient être de retour ou non. Le monsieur aurait déclaré « Nous avons retiré les microtransactions afin de concentrer notre travail sur le système de progression du jeu. Nous continuons de le faire à l'heure actuelle. Il semble qu'il y ait une mise à jour cette semaine et une autre la semaine prochaine. Avec le temps, nous déciderons de comment nous allons intégrer ou non les microtransactions dans le jeu. Et si oui, sous quelle forme ?» Donc j'ai envie de dire, voilà, cette grogne a vraiment porté ses fruits en espérant et comme... justement, comme avec Lina Nounette, Machin Truc 76, Mopral, Mac, BN et HXC, les tipeurs qui étaient avec moi dans la grande revue de presse JV numéro 2, on avait abordé ce sujet, n'hésitez pas à aller l'écouter, et on se demandait justement si Electronic Arts allait pas nous la faire à l'envers et nous remettre une carotte autrement. En tout cas, bon, quoi qu'il arrive pour l'instant, c'est très bien, la grogne était entendue, à voir maintenant ce qui va se passer à l'avenir, mais ça, j'ai envie de dire, qui vivra, verra. Oui, c'est une expression totalement désuète, mais allez, je me lâche, on est samedi. L'accès anticipé de PUBG prend fin le 20 décembre, et c'est Jarod qui nous dit ça, sur GameCult. Alors, je rappelle que PUBG, c'est PlayerUnknown's Battlegrounds, le jeu phénomène, le jeu de Battle Royale, que tout le monde copie, que tout le monde envie, et qui est le jeu le plus joué actuellement sur Steam, enfin, c'est un carton intergalactique. Et donc, Jarod nous dit que le pari est tenu pour l'équipe de Brendan Greene. Alors, Brendan Greene, on en avait déjà parlé aussi dans une émission précédente, c'est le créateur de PUBG. Oui, donc Jarod nous dit, c'est le 20 décembre que PUBG sortira officiellement du cocon après l'accès anticipé de Steam en faveur du lancement officiel dit 1.0, lequel rime avec le déploiement de la nouvelle carte désertique Miramar. Un gros mois de décembre pour le prodige de l'année 2017, puisque le jeu de survie aux 20 millions de copies vendues sur Steam fera également ses grands débuts mardi sur Xbox One dans le cadre du programme Game Preview. PUBG Corporation a également confirmé que la fin de l'accès anticipé ne changera rien au prix de vente du jeu, qui continuera donc d'aligner les millions à raison de 29,99€. Autre confirmation, nous dit Jarod, toutes les futures cartes seront déployées gratuitement. Comme le rappelle l'équipe de développement dans un communiqué qui retrace le parcours hallucinant du jeu, dont le développement n'avait débuté qu'en mars 2016, donc ça, c'est pas si vieux que ça, cette sortie 1.0 ne représente en rien la fin de l'évolution du titre. Jouabilité, son, optimisation, connexion, serveur, interface ou encore animation font partie des dossiers qui connaîtront encore des avancées plus ou moins importantes. En attendant, la carte Miramar introduira 3 armes et 3 véhicules en plus dans les parties, comme détaillé sur les notes du patch. Voilà, donc PUBG n'a pas fini de s'envoler. Je me demande à quel niveau PUBG va booster les ventes, ou pas d'ailleurs, de la Xbox One. Et surtout, on sait que Microsoft a aligné un gros chèque pour se garder cet exclu le plus longtemps possible. Mais est-ce que, à moyen terme, le jeu ne va pas débouler sur PlayStation 4, par exemple? On verra bien. En tout cas, je pense que le succès n'est pas prêt de s'arrêter. Et on verra donc, dans quelques jours, si la sortie sur Xbox One est un carton monumental. On aurait dit la voix de Pernaud, en fait, quand je disais ça, on aurait dit le trésor de Pernaud. Mon Dieu, quelle horreur! Beyond Good and Evil 2. Vous le savez, il y a eu hier ou avant-hier d'ailleurs, zut, oh le trou de mémoire, bref. En tout cas, hier ou avant-hier, il y a eu un direct, je vais y arriver, qui dévoile donc de nouvelles informations sur le jeu tant attendu de Michel Ancel, celui qui s'était révélé à l'E3 dernier lors de la conférence Ubisoft, la conférence Ubisoft d'ailleurs très émouvante, rappelez-vous, avec un Michel Ancel en larmes. Et donc, on a appris, hein, lors de ce direct, que le jeu, malgré tout, sera jouable en solo. Parce que vous savez que ça, c'est un petit peu ma peur, c'est qu'il soit juste vraiment totalement dédié multi, ce qu'il est, hein, puisque les développeurs ont quand même pensé cet épisode pour que l'expérience soit optimisée, à plusieurs joueurs. Mais bon, il y aura quand même un mode solo, et ça me rassure énormément. Sur un aspect tout à fait technique, l'équipe de Michel Ancel a déclaré avoir énormément travaillé pour créer un moteur qui serait capable de gérer des transitions rapides dans l'univers. Donc normalement, on ne devrait pas trop avoir de temps de latence ou de chargement entre les différentes zones. En tout cas, bon, on verra quand le jeu sortira. C'est pas pour demain, hein, si vous voulez mon avis, mais bon. Un gros effort aussi a été mis sur le visage des personnages pour que des filiations familiales puissent se reconnaître entre certains personnages du jeu, entre énormément de personnages du jeu d'ailleurs, donc ça c'est un sacré challenge également, et donc on nous promet un background scénaristique assez costaud. On nous a aussi indiqué que bien sûr que énormément de recrutements ont été effectués pour gonfler vraiment la team de Michel Ancel, une team hein, qui a tout simplement triplé depuis l'annonce du titre lors de l'E3 2017. Et sur le fait de faire une préquelle, puisque vous savez que ce Beyond Good and Evil 2 se déroulera avant hein, le premier épisode. Et donc, à ce propos, Michel Ancel a déclaré « L'idée de départ, en ce qui concerne Beyond Good and Evil, était de faire une trilogie. Mais lorsque nous avons commencé à réfléchir au jeu suivant, nous nous sommes rendus compte que l'univers était si vaste, si dense, qu'il aurait été dommage de ne pas parler de ses origines. » Pardon. Décidément, ce matin, j'ai la mâchoire qui ne coopère pas. Hein. Oh la vilaine mâchoire! Voilà, petite claque sur la mâchoire. Et donc, Michel Ancel dit « Qui est Jade ?» Donc Jade, c'était l'héroïne du premier épisode, hein, je le rappelle. Doublée par Emma Decaune, souvenez-vous. Bref, « Qui est Jade ?» C'est une femme mystérieuse, elle possède un côté sombre. Nous souhaitons creuser ce genre de choses. Donc moi, ce qui me rassure vraiment, et ce qui me fait du coup réattendre grave ce Beyond Good and Evil 2, c'est le fait que tout n'est pas axé sur le multi. Le fait que en solo, on aura quand même un bon gros biscuit à croquer, et ben ça me fait énormément plaisir. Et donc bah, j'attends d'autant plus la prochaine merveille de Michel Ancel. Franchement, j'y crois à mort, hein, comme on dit. Je serais étonné quand même que le jeu soit une plantade, une pantalonnade internationale. Mais bon, comme je le disais, on a vraiment, vraiment le temps de voir venir. Mais bon voilà, c'est des petites informations quand même qui font du bien. La Switch continue de cartonner, et là on va parler plus précisément du Japon, où pour la période du 27 novembre au 3 décembre 2017, donc hein, bien sûr pas de l'année dernière, pourquoi je précise l'année aussi, ne suis-je pas dingo, donc ça correspond à la semaine 48, la Switch donc est encore en tête, c'est incroyable, 124 770 machines ont en effet été écoulées contre 36 238 3DS et 33 407 PlayStation 4, c'est hallucinant, je ne sais pas où cette machine va s'arrêter, et donc pour ne pas faire de jaloux, côté Sony, ça cartonne bien, alors là on va prendre plutôt un chiffre global hein, pour la PlayStation 4 au niveau mondial, n'est-ce pas? C'est mondial bon, bah, vous savez, la PlayStation 4, c'est que ça reste l'arène du moment, il faut savoir qu'au 3 décembre dernier, la PS4 affichait fièrement un chiffre de vente mondial dépassant les 70,6 millions d'unités. C'est incroyable. Ça nous fait aussi un total de 617,8 millions de jeux que les possesseurs de PS4 auraient achetés avec leurs petits sous-sous, ce qui fait un ratio de 8,75 jeux par console. Et donc toujours au 3 décembre 2017, le PlayStation VR, hein, donc le casque de réalité virtuelle de Sony, peut se vanter de s'être vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Et ce ne sont pas moins que 12,2 millions de jeux PlayStation VR qui ont été vendus, soit un ratio de 6,1. Attention, c'est très précis. Moi, je ne badine pas avec la précision, vous le savez. 6,1 jeux PlayStation VR par casque. Voilà, donc c'est comme l'école des fans, enfin pour les plus vieux, pour ceux qu'on connu, je me fais vieux, tout le monde a gagné quoi, voilà, c'était un petit peu ça le message. Bon alors, je ne parlerai pas d'Xbox bien sûr, hein. Ne nous fâchons surtout pas, je respecte tout le monde. Et voilà, chers amis tipeurs, c'est ainsi que votre édition spéciale vous-même que vous avez du samedi se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à vos attentes. On se retrouve dès lundi matin, vous le savez, même heure. Alors j'allais dire même flux, mais là non pour le coup, parce que là l'édition du samedi, vous la recevez sur votre boîte mail. Donc on se retrouve dès lundi matin, peu avant 7h, sur iTunes, PodCloud, Deezer, YouTube, ça vous le savez. Vous ne le savez que trop bien, comme j'aime à le répéter. N'hésitez pas quand même à réagir, hein, comme d'habitude, sur cette émission du samedi sur les réseaux sociaux. C'est hyper important, hein, sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc merci une fois encore à tous les tipeurs. Merci à Aza, le dernier arrivé. Et vraiment, merci infiniment pour ton message. Un message qui fait vraiment super plaisir, hyper réconfortant, qui réchauffe le cœur. Et donc vraiment, je te remercie beaucoup, Aza. Et donc bienvenue dans la famille de la revue de presse JV. Merci à Néo Calimero, au Docteur Lacave, à Oliver Roy du Bocal, à DomDom01, à Evolix, Pipo Letsu, Forza Pedro, JP Madère, Remix92, Graou91, Emmanuel, HXC, AHL9, Pizza Hunter, Lina Nounette, Machin Truc76, Monsieur A, Mac BN, Francois, ce cher Mopral. Merci également à Jimmy. Et il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Bon courage pour ceux qui bossent, bien sûr. Et puis pas pour les autres, reposez-vous bien. Et je vous dis à lundi, portez-vous bien. Vive l'amour, vive le jeu vidéo, vive la République, vive la France, vive l'univers, vive les peuples du monde entier. Bref, vous le savez, je ne suis qu'amour. Allez, bye bye et merci encore mille fois pour votre soutien.